Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 28 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Et aujourd'hui je reçois par téléphone Mila Smith, catcheuse et ancienne lutteuse de haut niveau, qui est là pour nous parler de son métier de catcheuse, pour essayer, on l'espère, de casser certains on-dit sur le monde du catch et pour nous parler de un petit peu de son ancienne activité du coup de lutteuse de haut niveau. Donc bonjour Mila. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? On peut se tutoyer, t'inquiète. Ça va, merci. Du coup, cette émission va, comme je l'ai annoncé en introduction, se couper en deux parties. Une partie concernant du coup le catch et une partie concernant ton ancien statut entre guillemets de lutteuse de haut niveau. Donc on va essayer de tout dire ou presque en une heure. Donc comme annoncé en introduction, tu es catcheuse, donc ma prochaine question va être très simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le catch et quelles ont été tes motivations? Quand j'étais petite, je regardais le catch, donc j'ai commencé à regarder le catch à 9 ans. Et comme tout le monde, voilà, ce qui passait à la télé, j'ai commencé à regarder le catch avec la WWE. Et j'avais vu notamment Victoria sur le ring qui m'a donné envie de faire du catch et qui m'a donné l'amour pour ce métier, pour cette discipline. Et quand j'ai regardé, je l'ai vu, elle et les autres catcheuses à ce moment-là qui étaient des combattantes aguerries et en même temps des femmes très belles, très féminines. Et voilà, ça m'a donné envie de poursuivre dans cette voie. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, tu es dans ce monde. Donc, depuis combien de temps catches-tu? Ça a été un petit peu en dents de scie. D'accord. Je sais que j'ai fait, j'ai fait mon premier match en juillet 2016 à lycée WA, pardon. J'avais fait quelques stages avant et je suivais la formation intensive de Booster à l'époque, et j'ai fait mon premier match à ce moment-là, et après j'ai eu, en parallèle je faisais toujours de la lutte en haut niveau, je faisais mes études, je me préparais pour une compétition de fitness aussi, donc du coup j'avais pas mal de choses en tête et des choses à faire, donc je pouvais pas à ce moment-là me focaliser que sur le catch, donc j'ai fait quelques matchs cette année-là, et puis après je me suis blessée, donc j'ai été hors des rings pendant un an. Et après j'ai repris. D'accord. Donc justement, comme tu viens de le dire, tu faisais tes études en parallèle, tu étais lutteuse du coup de haut niveau, mais du coup quel a été ton parcours scolaire du coup, vu qu'on parlait, enfin tu parlais tout à l'heure de tes études. Donc dans quoi est-ce que tu as fait par exemple des études de sport ou pas du tout? Excuse-moi, je t'entends très mal. Ah, je te demandais si tu avais fait tes études de sport, par exemple, avant d'en être là où tu en es aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait comme sport avant d'en être là, j'ai fait de la gymnastique de 9 à 12 ans. Et ensuite, j'ai fait de la lutte. Et à 12 ans, j'ai commencé la lutte. Et à 15 ans, j'ai intégré un pôle de haut niveau. D'accord. Et voilà. Principalement de la lutte, je dirais. D'accord. Et donc justement, dans ton catch, de qui, enfin tu l'as un petit peu dit, t'as commencé à suivre le catch avec notamment Victoria à la WWE et les autres superstars féminines. Donc dans ton gimmick, donc pour un petit peu expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, chaque catcheur et chaque catcheuse a ce qu'on appelle un gimmick, c'est-à-dire un personnage qu'il et elle doit jouer lors des shows, dans ses matchs, etc. Donc de qui tu t'inspires dans ton catch et dans ton gimmick du coup? Mes sources d'inspiration, on va dire, comme je viens de la lutte et que je voulais absolument garder ce bagage que j'ai et je voulais en faire quelque chose sur le ring. Donc du coup, ceux qui m'ont vraiment inspiré, forcément Victoria, Kurt Angle, d'autres pour citer d'autres femmes que je regardais et que j'aimais beaucoup, j'aimais bien Michelle McCool. Mm-hmm. À l'époque, j'aimais bien beaucoup de monde, Randy Orton. Maintenant, après, pour mon personnage, on va dire, c'est c'est pas vraiment un personnage que j'ai complètement créé, c'est plus c'est moi en fait au final. Après forcément avec des traits de caractère poussés au volume 10, mais j'essaie de vraiment prendre voilà tout mon bagage, tout ce que j'ai fait avant, le mettre sur le ring et le perfectionner et voilà. D'accord. Et la French Elegance, on va dire que j'avais pris ce thème-là parce que souvent la France est on a le cliché, tu sais, des femmes élégantes. Enfin, à l'étranger, on nous voit comme ça, tu vois. C'est la France en termes d'élégance, de mode, de galanterie, de romantisme et tout ça. Donc du coup, c'était French Elegance pour garder ce côté féminin. Et après sur le ring, c'est j'aime bien, je m'inspire beaucoup du old school avec un peu de strong style. Donc du coup, c'est plus voilà, c'est plus autour de la lutte. D'accord. Que du reste. D'accord, donc oui, donc ton personnage, c'est vraiment la jeune femme bien maquillée, bien habillée, très, très élégante, peut-être un poil séductrice peut-être dans ton personnage. C'est plutôt séductrice, oui et non. C'est plus cette femme élégante et on va dire féminine, opposée au style lutte bagarreuse et tout ça. Je voulais vraiment apporter ce contraste-là sur le ring, notamment pour influencer dans le bon sens les jeunes filles qui nous regardent et qui nous suivent, pour faire passer le message que effectivement on peut être une femme, être féminine, se maquiller, porter des robes et tout ça, et puis à côté de ça avoir un côté badass et pouvoir faire des choses dites d'homme. D'accord, comme quoi, un petit peu, si on veut prendre une expression populaire, entre guillemets, l'habit ne fait pas le moine. Exactement. Ok. Exactement ça. Et donc, dans quelle catégorie de catcheuse est-ce que tu te considères? Est-ce que tu dirais que tu es plutôt une catcheuse agressive, voltigeuse ou très éclectique, en gros qui mélange plusieurs styles de catch? Alors, moi, je dirais que je suis plutôt une catcheuse technique. D'accord. J'aime beaucoup tout ce qui est, comme je te disais, old school, avec beaucoup de technique, beaucoup de prises, de choses différentes au final. Après, je fais quelques trucs de voltige, je fais un peu de tout, mais disons que le côté old school et technique, c'est plus moi. C'est plus ça fait plus ressortir le côté lutte que j'ai appris depuis 12 ans maintenant. D'accord. Ok. Et donc justement pour pratiquer le catch comme pour pratiquer n'importe quel autre sport de combat ou non d'ailleurs, il faut avant tout être passionné par ce sport, c'est préférable. Mais avant que tu veuilles devenir catcheuse et avant que tu pratiques la lutte à haut niveau, quel métier voulais-tu exercer si jamais tu voulais en exercer un autre? J'ai eu plein d'idées à un moment donné. D'accord. je suis passée par armée, pompier, police, tout ça. Après, j'ai fait mes études dans le sport, donc j'ai fait une licence de coach sportif. D'accord. Et donc voilà, c'était je dirais coach sportif si jamais je n'avais pas fait de catch. D'accord. Et si jamais, malheureusement, ça vient, par exemple, à s'arrêter net, ce que je ne te souhaite pas, bien sûr, mais on ne sait jamais, suite à une blessure ou peu importe, est-ce que tu as, par exemple, un plan de secours, si jamais, malheureusement, ta carrière de catcheuse venait à se terminer? Je suis un peu mitigée, parce qu'il on dit souvent, si tu as un plan B, c'est que tu n'es pas assez concentré sur le plan A. Mm-hmm. Après, voilà, donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur le catch. J'essaye de faire le maximum et d'aller le plus loin possible. Maintenant, voilà, j'ai fait des études. C'est quelque chose à ne pas négliger, que ce soit dans n'importe quel sport. Parce que, comme dit, comme tu l'as dit, on peut se blesser, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est en général,

Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio, et même désormais sur notre nouveau site internet www.radiogemozo.radio-website.com/ partout en France. Vous venez d'écouter G-Eazy en duo avec Alcé avec leur titre Himenai. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas. Comme je dis toujours, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mila Smith, catcheuse et ancienne lutteuse de haut niveau, qui est là pour nous parler de son métier de catcheuse, d'ancienne lutteuse de haut niveau, et pour essayer de casser certains on-dit sur le monde du catch. Ça va toujours ? Ça va toujours, merci. Et toi ? Ça va, merci. À part les petits problèmes de son qu'on a, je vais essayer de régler ça en direct. Du coup, nos auditrices et nos auditeurs le savent, mais je le rappelle si jamais il y a des nouveaux ou des nouvelles qui nous rejoignent, dans Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission afin que celles-ci leur correspondent davantage. Donc j'aime beaucoup poser cette question. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi cette chanson de G-Eazy et Alcé? Alors les chansons que j'ai choisies pour les pauses musicales, c'est tout simplement des chansons que j'écoute en ce moment, que j'aime bien écouter. Puis j'ai essayé de choisir plusieurs styles musicaux, parce que j'écoute un peu de tout, et donc du coup, voilà, c'est il n'y aura pas qu'un style en particulier, il y a du rock, il y a eu du hip-hop, et puis il y aura autre chose, et un peu de tout. D'ailleurs, parce que ça tombe bien, ici, à Radio Gemozo, on passe de tout également. Donc, voilà. Et d'ailleurs, nous, on va reprendre le cours de cette émission. Nous ne l'avons pas encore dit, me semble-t-il, mais du coup, Mila Smith n'est pas ton nom civil, c'est ton nom de ring, comme pourrait l'être un nom de scène d'un chanteur ou d'un comédien. D'ailleurs, nous n'allons d'ailleurs pas citer ton nom civil, on va laisser un peu planer le mystère. Donc, comment as-tu trouvé ce nom de ring ? Est-ce que ce nom a une valeur particulière à tes yeux ? Oui, quand même. C'est plus un hommage aux femmes de ma famille à travers les générations, en fait. Parce que quand j'ai choisi ce nom de ring, donc Mila, c'était la dernière petite fille qui était née dans ma famille. Et Smith, c'est le nom de famille de ma maman. Voilà. Tout simplement, d'accord. D'ailleurs, on va reprendre du coup. Quels sont tes objectifs dans le catch en général ? Alors en général, mon objectif principal, c'est de divertir mon public, de les faire repartir chez eux avec un sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux. Ensuite, moi dans ma carrière plus généralement, c'est j'ai déjà pas mal voyagé, mais le but, voilà, c'est de catcher partout dans le monde, de voyager encore plus. De répandre le catch dans des endroits où on n'y penserait pas. Bah, franchement, c'est quelque chose de vraiment génial. Et voilà, après, sur le long terme, il y a un contrat quelque part dans une grosse fédération et pouvoir en vivre et en faire, voilà, mon métier principal, ce serait... Et ma seule source de revenus, ce serait vraiment un rêve devenu réalité, je dirais. Et l'objectif, je pense, de tout catcheur dans sa carrière. Voilà. D'accord. Parce que justement, nous allons en parler juste après. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti de ton côté. Car justement, j'imagine qu'en France et aux alentours, c'est très compliqué de vivre du catch. Comme tu l'as dit d'ailleurs, tout récemment, nous avons appris et nous avons vu que tu es apparu dans une des plus grandes fédérations de catch américain au monde, la World Wrestling Entertainment, ou WWE, ou WWE prononcée à la française, dans leur branche NXT UK. Donc comment s'est passé ton arrivée là-bas, en sachant que tu avais déjà fait un try-out, un essai, à la WWE ? Alors, pour le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, donc oui, effectivement, j'ai fait un premier essai à la WWE en 2018 en Allemagne. Donc je revenais d'une grosse blessure au genou, puis j'avais très peu d'expérience, hein, à ce moment-là encore dans le catch. Ça s'était très bien passé malgré tout, et donc voilà, on s'est resté un peu en contact. Et dernièrement, j'ai eu une opportunité, l'opportunité d'aller faire plutôt un training camp. C'est pas exactement la même chose qu'un try-out, okay. Même si voilà, ça reste un essai, mais voilà, c'est il y a J'ai passé du coup plus de temps à l'entraînement avec eux au sein de l'entreprise. J'ai pu faire du coup la promo, le segment promo que vous avez vu sur la chaîne de la WWE ou à rattraper sur le WWE Network. Voilà, ça s'est très bien passé. C'était une expérience incroyable, comme la première fois. C'est vraiment, on apprend beaucoup de choses en peu de temps. C'est vraiment enrichissant comme expérience, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous mes collègues. D'accord. Mais donc justement, vu qu'on t'a vu récemment dans un épisode de NXT UK, est-ce qu'on aura la chance de te revoir dans un futur plus ou moins lointain là-bas, ou est-ce que c'était juste une fois? Ah bah écoute, ça je ne peux pas répondre d'accord. À cette question vu que je n'ai pas la réponse. Normalement, il faudra regarder pour voir la suite. Voilà, je t'invite à rester connecté et à rester sur le network pour regarder la suite. Je regarderai, je resterai connecté au network. D'ailleurs, une question me vient en tête, quelque chose qui, en tant que grand fan de catch depuis 2009, m'agace beaucoup, ce sont les personnes, souvent des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui veulent tout faire pour discréditer ce sport, qui disent, et je pense que tu as déjà entendu cette phrase, de toute façon, le catch, c'est du faux, ils ne se font pas mal, ils ne se tapent même pas. Donc comment définis-tu les personnes, et que dirais-tu justement aux personnes qui disent que le catch, c'est du faux de A à Z? Alors, comment je définirais ces personnes? Je ne les juge pas, parce que voilà, c'est pas... pas l'objectif, et voilà, chacun a sa vision des choses, son opinion. Après, en étant sur le ring et en vivant la chose de l'intérieur, je peux répondre plus facilement que ces personnes et émettre une opinion plus facilement que ces personnes qui n'ont jamais mis un pied dans le ring en général. C'est que oui, effectivement, ça fait mal, et rien que, je prends même pas un match en entier, hein, rien qu'un entraînement. Je me souviens quand j'ai appris à chuter, je rentrais chez moi avec des maux de tête. Quand j'ai appris à courir dans les cordes, je rentrais chez moi avec des bleus plein le dos, plein les jambes. Voilà, ça fait mal. Faut savoir que le ring, c'est une planche de bois en dessous. Il y a que des bâches et vraiment un mini tapis avec un ressort au milieu. C'est pas ça qui amortit les chutes au complet. Et quand tu chutes de la troisième corde, ça fait forcément mal. Donc effectivement, c'est scripté, c'est du sport spectacle. Maintenant, la partie sport reste très très présente, et on a du contact, on se touche. Ne vous inquiétez pas, on se touche vraiment, et j'ai même des photos dans mes stories Instagram qui le prouvent. J'ai des bleus, je rentre avec des marques tout le temps, des fois on saigne, des fois voilà, et ça on peut pas l'inventer, c'est du live, c'est du vrai, c'est on met pas du ketchup sur le ring, quoi. Quand ça saigne, ça saigne. Et non, franchement, j'invite toutes ces personnes qui ont des doutes et qui émettent ce genre de jugement sans vraiment savoir, au final, je les invite à monter sur un ring et à essayer par eux-mêmes et pour pouvoir se faire leur opinion. D'accord. Et donc, je pense que, comme tu le dis, nous pouvons dire que ces personnes confondent spectacle et truqué, car oui, comme tu l'as dit, le catch, c'est un sport-spectacle. Il y a un certain scénario, tout le monde le sait, mais ce n'est pas truqué. Par exemple, j'ai déjà eu la chance de discuter avec plusieurs catcheurs et plusieurs catcheuses, dont toi, et avec des commentateurs également qui m'ont dit, et je suis d'accord avec eux, que ces mêmes personnes ne vont pas s'amuser à dire, par exemple, à la fin d'un film dans lequel le héros meurt, mais il n'est pas mort, c'est pour le film, c'est truqué. Donc, je pense que c'est même si le catch, c'est pas du cinéma, c'est pas un film, ça se rejoint quelque part, cette phrase. Oui, mais c'est totalement, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire avec le catch, ou même avec la magie, avec le monde du spectacle en général. Quand tu vas regarder un magicien faire ses tours, tu vas pas lui demander ses tours à la fin du show, tu vois, c'est pas le but. Nous c'est pareil, voilà, ça il y a comme je l'ai dit, on a une très très grosse partie sport. Maintenant, il y a une partie spectacle aussi où on est là pour divertir les gens, pour les faire sortir de leur quotidien, pour leur donner leur donner le sourire, des étoiles dans les yeux, comme je l'ai dit, les faire rêver. C'est donc effectivement, ça se rejoint, que ce soit dans le monde du cinéma, du spectacle vivant en général, quoi. Bien sûr. Donc chaque pays, ou presque, a son style de catch. Par exemple, au Japon, c'est le Proresu pour désigner le catch japonais masculin, ou le Joshiresu pour désigner le catch japonais féminin. En Espagne et au Mexique, nous avons la lucha libre. Là-bas, ce sont des voltigeurs majoritairement. En France, il y a également un style de catch qui mélange plusieurs styles, que ce soit la voltige, la brutalité, etc. En Amérique, c'est le catch, on va dire, le plus connu. Je pense notamment, grâce aux deux plus grandes fédérations de catch américains au monde, la WWE et la AEW. Mais penses-tu qu'un jour, le catch français pourrait rivaliser avec le catch américain? Ou est-ce que, d'après toi, ça sera vraiment très, très compliqué? Alors déjà, je n'ai pas vraiment... Le catch américain, tu parles de ce qu'on voit à la télé, que ce soit WWE, AEW, pardon. Maintenant, le catch américain en général, tu parles des shows télévisés. Oui. Il y a tout un circuit indépendant à côté qui n'est pas, il y a de très bonnes fédérations comme de moins bonnes comme partout. Et je pense que c'est juste deux choses pas vraiment comparables, vu qu'en France on n'a pas de produits télévisés tels que WWE ou même WXW en Allemagne ou Progress ou des trucs comme ça, enfin des fédérations comme ça. On n'a pas de produits, de gros produits télévisés malheureusement. Donc je pense que on peut pas comparer des fédérations indépendantes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un produit télé à une fédération qui engrange des milliers d'euros chaque année et qui a les moyens d'apparaître à la télé plusieurs fois par semaine. Maintenant, effectivement, si tu veux comparer ces deux choses-là, ça va être très, très compliqué de rattraper la WWE, et que ce soit pour la France ou pour d'autres pays. Hein, c'est maintenant sur le circuit indépendant, je pense effectivement que la France a sa place, que on fait de belles choses et que les choses évoluent dans le bon sens, que ça progresse. Maintenant, il y a toujours énormément de travail, que ce soit de la part des workers comme de la part des promoteurs et des organisateurs. Faut que tout le monde joue le jeu, faut que même les villes, le public, faut que pour faire évoluer les choses, faut qu'on travaille en équipe. Maintenant, je pense qu'on est bien parti, que effectivement la France produit de belles choses, a de grands talents. Mais l'un n'est pas comparable avec l'autre, je pense. Surtout que, comme tu le dis, c'est vrai que dans le monde du catch français, on a vraiment des grandes stars, comme par exemple, il y avait Tom Laroufa, que tu connais bien. On a également Senza Volto, par exemple. C'est des noms comme ça qui sont vraiment très, très talentueux, mais que même s'ils ont catché ailleurs, qui n'ont peut-être pas, et qui n'ont certainement pas la même reconnaissance que des grands catcheurs, genre Rey Mysterio ou encore The Undertaker. Donc c'est vrai que je pense aussi que ça va être un petit peu compliqué de pouvoir rivaliser avec, à l'avenir, avec la WWE, mais c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'on est très très bien, enfin que vous êtes, parce que je ne suis pas encore dans ce monde, vous êtes très bien parti, donc je pense que ça sent bon pour les Français à l'avenir, surtout qu'il y a de plus en plus de Français maintenant, ou de francophones, qui vont dans les grosses fédérations comme la AEW, ou encore la WWE, avec par exemple Shanna, qui était à l'époque à la AEW. Oui, effectivement, hein, la France s'intéresse de plus en plus, je pense. Les talents se développent de plus en plus. On bouge. Après, on travaille tous très dur. Donc ça fait plaisir de voir que tout le travail qu'on a fourni commence à porter ses fruits. Ça fait plaisir de voir que le public nous soutient, que ce soit sur les réseaux ou sur les shows, qui sont toujours présents, que malgré un an et demi de Covid, tout le monde est présent sur les réseaux et tout le monde nous soutient. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que effectivement, il y a des écoles qui se développent aussi. Il y a énormément de choses qui sont en train de se développer en France. Les fédérations qui sont déjà en place continuent de travailler très dur et ont continué, même pendant le Covid, à développer des idées, développer de nouveaux concepts. Et je pense que effectivement, ça, dans l'avenir, ça, l'avenir est prometteur. C'est vrai, surtout que je ne sais plus ce que je vais dire. Enfin, ça me reviendra certainement après. Donc, d'ailleurs, nous parlons des différents styles de catch présents dans différents pays. Donc, toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà eu la chance de catcher ailleurs qu'en France? Et si oui, où? Ah oui, oui. Si tu me suis un peu, j'ai eu l'occasion de catcher quasiment dans toute l'Europe. Hors Europe, j'ai fait le Pakistan. J'ai eu l'occasion d'aller en Jordanie. Et j'ai également catché au Japon. D'accord, ouais, c'est déjà bien. Et puis peut-être dans d'autres pays à l'avenir, on espère. Enfin, j'espère pour toi. Merci. Donc, avant de poursuivre à nouveau et de nous intéresser cette fois au fait que tu sois une ancienne lutteuse de haut niveau, je te propose de nous lancer dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie toujours et que nous écoutions cette fois-ci Maps de Our Last Night. Il s'agit d'un cover de la chanson du célèbre groupe Maroon 5. Comme pour la précédente pause musicale au niveau des références, ce cover est sorti en 2014. Il est interprété du coup par le groupe Our Last Night et il s'agit du coup, comme je l'ai dit, d'une reprise du groupe Maroon 5. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ça? Oui, très bien. Parfait. Alors, on écoute cette chanson et on se retrouve d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. I was Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet www.radiogemozo.radio-website.com/partout en France. Il est 14h presque 37. Vous venez d'écouter Our Last Night avec leur cover du titre Maps de Maroon 5 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mila Smith, catcheuse, ancienne lutteuse de haut niveau qui est là pour nous parler de son métier de catcheuse, d'ancienne lutteuse de haut niveau et pour essayer de casser certains on-dit sur le monde du catch. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie Mila ? Très bon, merci. Parfait. Donc nous allons reprendre cette émission, je ne vais pas te poser la même question que tout à l'heure vu que comme tu l'as dit c'était des chansons que tu aimes bien écouter. Donc, comme annoncé en introduction et avant cette pause musicale, tu n'es pas seulement catcheuse, tu es également une ancienne lutteuse de haut niveau. Beaucoup de catcheurs et de catcheuses sont passés par la lutte, avant le catch d'ailleurs. Donc, quelles sont selon toi les similitudes et les différences entre la lutte et le catch ? Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans l'apprentissage des prises. Il y a beaucoup de prises de catch qui viennent de la lutte. Maintenant il y a énormément de différences également. On va dire que moi la lutte ça m'a aidé énormément quand j'ai commencé le catch dans l'apprentissage. J'ai appris beaucoup plus vite du coup tous les moves de catch grâce à la lutte. Maintenant, toutes les différences, c'est que la lutte. On fait des compétitions, des combats par poids, par catégorie de poids et d'âge, chose qu'il n'y a pas dans le catch. Je peux rencontrer des femmes de mon gabarit comme des femmes qui ont un gabarit totalement différent du mien. Après, à la lutte, qui dit catégorie de poids, j'ai une diète différente aussi. Mm-hmm. Je faisais beaucoup de régimes pour être dans ma catégorie de poids à la lutte, ce que je n'ai plus à faire forcément pour le catch. C'est vrai que j'ai toujours une diète, je fais attention à ce que je mange, mais j'ai pas de pesée avant de monter sur le ring, donc c'est une pression différente et c'est la diète que je fais actuellement a d'autres buts. C'est plus pour garder une shape correcte et puis rester en bonne santé. Mais avant, c'était pour être vraiment dans ma catégorie de poids. D'accord. Et aussi, également, comme actuellement encore dans le catch, tu dois faire beaucoup, beaucoup de sport. Comme je te suis sur les réseaux sociaux, tu fais des entraînements quasiment quotidiennement. Ah oui, c'est vraiment... quand on commence à faire du catch, c'est qu'on est sur la route souvent, qu'on cache quasiment tous les week-ends ou autres, il faut non seulement s'entraîner pour soi, pour rester au niveau, pour garder une bonne shape, une shape présentable sur le ring, ça reste un divertissement sportif, un spectacle aussi, donc il faut garder cette shape. D'accord. Une bonne shape. Effectivement, il y a un autre aspect qui est le plus important, c'est s'entraîner quotidiennement pour ne pas se blesser sur le ring. Tous les entraînements qu'on fait à la salle de muscu, par exemple, c'est pas juste pour l'été, pour avoir des abdos et se sentir bien dans notre peau. Forcément, ça en fait partie, mais c'est surtout pour construire du muscle et amortir les chocs sur le ring. Mmh. Parce que c'est très important. Si on n'a pas assez de masse musculaire, on se fait beaucoup plus mal et on risque de se blesser beaucoup plus facilement et plus rapidement que si on s'entretient quotidiennement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. En fait, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est les sacrifices à faire pour être catcheur et sportif de haut niveau en général. Mmh. D'ailleurs, j'imagine que parfois, t'as, on va dire, pour parler on va dire, vulgairement oui et non, tu as peut-être parfois la flemme de faire des entraînements. Donc quand cette flemme, elle te prend comme ça, que tu n'as pas envie de bouger, comment tu fais pour te motiver ? Là, tu te forces, c'est dans la tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des choses tous les quotidiennement selon leurs émotions et leurs envies. Mais à un moment donné, voilà, on a des responsabilités, il y a des choses qu'on doit faire. Donc moi, je dois m'entraîner, je dois surveiller ma diète, donc que j'ai envie ou non, c'est comme ça. C'est même quand je suis fatiguée ou que j'ai pas envie, je suis pas motivée, ben j'y vais quand même. Même si des fois, il y a des jours où je suis vraiment fatiguée, où j'ai un peu mal partout, où je vais faire un peu moins ou plus léger, mais il faut quand même y aller, faut se forcer, quoi, faut se mettre un coup de pied au derrière et puis faut bouger. D'accord. Et donc, penses-tu que la lutte soit un passage presque obligatoire avant de monter sur un ring de catch ? Pour moi, personnellement, si tu me demandes, oui, pour moi, oui. Enfin, la lutte, après, je sais pas forcément, mais je pense que ça reste le meilleur sport pour se préparer pour monter sur le ring. Maintenant, tout ce qui est judo, sport de combat en général, ça va très bien aussi. Pour moi, je trouve qu'il faut un bagage en sport de combat avant de vouloir monter sur le ring. C'est comme, tu vois, quand tu commences, c'est pareil pour le MMA, tu vois. C'est tous ceux, ou la plupart de ceux qui vont vers le MMA, ils ont un background en sport de combat avant. Bah, pour le 4, c'est pareil, quoi. Après, sur le circuit indépendant, j'en ai vu peu qui avaient un bagage et personnellement on voit la différence, quoi, et je trouve que c'est pour si tu veux évoluer plus rapidement, c'est sûr que c'est mieux de commencer par des sports de combat avant. D'accord. Et donc justement, tu l'as dit un peu plus tôt dans cette émission, tu as commencé la lutte il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, comment tu t'es découvert cette passion pour la lutte? En fait, je viens d'une famille de lutteurs. D'accord. Donc, c'était un peu... C'est dans le sang. Et, voilà, comme je voulais faire du catch étant petite, et quand j'ai commencé à regarder, j'avais 9 ans. Mmh. À 12 ans, je me suis dit, je vais commencer par la lutte. Ça va me préparer pour le ring. Et puis... de fil en aiguille, voilà, je suis rentrée dans un club, je me suis entraînée, j'ai aimé ce sport, j'aime ce sport aussi, donc du coup j'ai voulu, je suis très compétitrice de base, donc c'est dans mon caractère, donc j'ai voulu, c'était pas assez de m'entraîner juste quelques fois par semaine, pour moi il fallait que je fasse de la compétition, il fallait que je fasse plus, donc du coup c'est pour ça qu'à 15 ans je suis partie dans un pôle de haut niveau. Et je me suis entraînée, voilà, c'était tous les jours, quoi. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être pas forcément en compétition avec les autres tout le temps, mais de me mettre, moi, dans des situations inconfortables ou de me rajouter des challenges tout le temps et de garder un esprit compétitif. Et de te mettre en compétition avec toi-même, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Et donc, justement, tu as été passionné de catch et de lutte presque en même temps? Oui, comme la lutte est présente dans ma famille depuis plusieurs générations, c'est quelque chose que je vois et que je connais depuis petite et que j'aime depuis petite. Donc du coup, c'était presque normal pour moi de monter sur le tapis, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, on va parler d'une autre passion que tu entretiens à côté, les shooting photos, qui est vraiment une passion. Donc en effet, nous pouvons voir sur tes différents réseaux que de temps en temps, tu fais des shooting photos. Donc ma question va peut-être paraître un peu banale, entre guillemets, mais pourquoi fais-tu des shooting photos? Quel est ton but en faisant ces shooting photos? Alors j'ai commencé à faire des shooting photos parce que c'était un moment où je faisais des régimes un peu yo-yo, tout ça, avec la lutte, et je me sentais pas très bien dans mon corps physiquement. D'accord. Du coup, c'était une manière pour moi de me voir différemment et d'apprécier ce que je regardais, d'avoir des photos où je me trouvais belle, où je me trouvais bien. Et donc du coup, j'ai évolué physiquement aussi. C'était une manière pour moi, dans le temps, de voir mon évolution physique également. D'accord. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre goût à faire des shootings photos. Et Après, ben, pour le catch, c'est aussi quelque chose d'important, c'est de faire vivre ses réseaux, de soit avoir des shootings photos, des photos à présenter, faire des shootings régulièrement avec ses tenues de catch aussi pour avoir de nouvelles photos sur les posters, sur les affiches, tout ça. Des photos, voilà, c'est un tout. Après, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que quand j'ai un moment, quand je ne suis pas sur la route pour le catch. Et en même temps, voilà, c'est aussi personnellement pour voir au fil des années, au fil du temps, mon évolution physique et comment j'ai à travailler. Voilà. D'accord. Donc, au tout début, du coup, enfin, à la base, quand tu as commencé les shootings photos, comme tu l'as dit, c'était pour prendre à la toute base pour prendre confiance en toi quelque part. Oui, bah c'est il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à prendre confiance en soi. Bien sûr. Faut juste trouver ce qui marche pour soi et puis après faut travailler et continuer dans cette voie-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi avec le temps et de surtout voir ce que j'avais à travailler, ce que j'aimais pas sur mon corps, par exemple, ce que je devais bosser à la salle, ce que, voilà, l'image. Et puis, au travers du temps, j'ai l'image que j'ai de moi évolue aussi. Donc, et je trouve que c'est une bonne manière de rester objectif envers soi-même, on va dire. D'accord. Donc, juste avant, là, tu parlais des réseaux sociaux alimentés, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, est-ce que tu dirais que les catcheuses et les catcheurs sont comme des personnalités, entre guillemets, qui doivent régulièrement alimenter leurs différents réseaux sociaux, que ce soit avec des shootings photos ou non, d'ailleurs, pour dire, en quelque sorte, je suis toujours là, ne m'oubliez pas? Bien sûr. Après, forcément, on fait partie du monde du spectacle, donc et actuellement les réseaux sociaux sont très importants, surtout là avec la crise du Covid, on n'a pas eu de public pendant un certain temps. C'est vrai. C'est aussi notre seul moyen actuellement de rester en contact avec les fans et de continuer à leur proposer un divertissement, si je puis dire. Quelque chose en tout cas et de garder un contact parce que malheureusement on n'a pas pu vous voir au bord du ring pendant longtemps, nous-mêmes on n'a pas pu catcher sur le circuit indépendant pendant un moment, donc ça permet de garder un lien. Et puis après en général sans ça c'est quelque chose d'important de nos jours, de surtout quand on fait partie du monde du spectacle, de garder des réseaux sociaux actifs et de garder un échange avec les fans, d'être présent, quoi, oui. Absolument. D'ailleurs, il y a certains de nos auditrices ou certains de nos auditeurs qui se posent la question, quand tu es catcheuse ou catcheur, est-ce que du coup tu es considéré comme intermittent ou intermittente du spectacle? Très bonne question. Merci. Malheureusement, en France, nous sommes les seuls, si je puis dire, ou un des seuls à ne pas être reconnus par l'État comme étant intermittent du spectacle. D'accord. Alors qu'on fait exactement le même travail que pas mal de disciplines combinées au final. On a un rôle de cascadeur, d'acteur, on fait plein de choses, mais on n'est pas reconnu par l'État comme tel. D'accord. Donc non, nous n'avons pas ce statut-là. Mais officiellement, en tout cas, mais officieusement, oui, on peut effectivement dire que nous sommes des intermittents du spectacle. D'accord. Donc il est 14h50, avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans notre troisième fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions Goosebumps du DJ et producteur espagnol Yum, chanson cette fois plutôt typée Tech House, sortie au milieu de l'année 2020. Cette chanson est une version réarrangée du morceau de Travis Scott sorti à l'origine en 2016. Donc on écoute ce morceau de Yum et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. À tout de suite. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, yeah. Avec le titre réarrangé de Travis Scott, Goosebumps, sur Radio Gamozo. Nous sommes toujours en direct, il est 14h presque 54, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio, et même désormais sur notre site internet www.radiogamozo.radio-website.com/, partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mila Smith, catcheuse et modèle photo, oui, qui est là. Ah non, enfin si, enfin bref, qui est là pour nous parler de sa carrière de catcheuse et d'ancienne lutteuse de haut niveau. Tout est toujours bon pour toi ? C'est toujours bon. Parfait. Donc nous allons reprendre pendant les quelques minutes qu'il nous reste. Si jamais des jeunes manquent de confiance en eux et hésitent à se lancer dans le monde du catch, de la lutte et ou pourquoi pas faire des shootings photos, quels conseils leur donnerais-tu ? Je dirais, pour évoluer, on n'a pas le choix que de partir de sa zone de confort. C'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut comprendre très tôt. C'est si tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolueras pas, tu ne changeras pas, tu progresseras pas. Donc la lutte, tout ce qui est sport en général, le sport en général, les shooting photos, prendre des cours de théâtre ou je sais pas, il y a plein de façons de prendre confiance en soi. Et je trouve que voilà, c'est important. Il faut se lancer. C'est la première fois, c'est dur. Et plus on le fait, et plus on arrive à dépasser ses peurs et ses limites, et puis plus ça va au final. Hein. C'est vraiment la première fois qui est difficile. Et puis après, ça va comme sur des roulettes. Donc faut pas hésiter, faut se lancer. Et même si ça fait peur. Et puis voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes et ça vaut le coup en tout cas. Oui, il faut oser, et puis justement, une fois qu'on a osé, on ressent une certaine fierté de se dire oui, je l'ai fait, j'ai réussi à surmonter du coup mes peurs, à surmonter, je sais pas, ma timidité, le manque de confiance en moi, etc. Exactement. Il n'y a pas de meilleure sensation que cette satisfaction personnelle d'avoir fait quelque chose qu'on pensait impensable, impossible il y a quelque temps, quoi. C'est vrai, j'imagine bien. Donc nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Où est-ce que nous pouvons retrouver l'avancée de ta carrière de catcheuse? Et si nous voulons retrouver tes photos qui sont, je trouve, pour ma part, plutôt sympas? Merci, c'est gentil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Twitter. Donc c'est Mila Smith. Mm-hmm. Pas compliqué. Vraiment, j'essaye de poster pas mal de choses, et de vous faire suivre mon quotidien dans mes stories. de ma carrière, de mes trainings, un peu de tout. Voilà, je dirais les réseaux sociaux. D'accord. Donc oui, Mila Smith, si jamais il y en a, elle se demande comment ça s'écrit. Donc Mila, M-I-L-A, et plus loin, Smith, S-M-I-D-T. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà d'une, de ne pas me blesser, ce serait pas mal. Que les choses reprennent comme avant le Covid, qu'on puisse retourner sur les routes de France, d'Europe, du monde pour vous divertir. C'est le meilleur qu'on puisse nous souhaiter. J'imagine bien. Également, donc, d'ailleurs, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ont, par exemple, d'autres questions à te poser, ils peuvent se rendre sur tes réseaux sociaux. Exactement, je suis ouverte à toutes questions. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories si vous avez des questions, quoi que ce soit. J'essaye de répondre à tout, au plus grand nombre de messages que je reçois. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter? Je voulais vous remercier pour m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi. Prenez tout soin de vous. Faites attention à vous. Checkez-vous les uns les autres. Envoyez des messages, ça coûte rien. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des périodes difficiles. Donc un message, ça peut donner le sourire. Et prenez soin de vous. Voilà, le message est passé, surtout en cette période. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Mila, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer pour que tu puisses la récupérer. Ça marche, avec plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone, si tout va bien, et toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gémozo et l'agence d'artiste Le Bureau de Lilith, Roxane, chanteuse et musicienne du groupe Archibald. En attendant, je vous laisse avec Gérard d'ici un peu moins d'une minute, avec Salut les 60, dans laquelle il nous parlera de Bo Diddley, guitariste, chanteur et compositeur américain de blues et rock'n'roll, dont il est l'un des pionniers. Donc merci de votre fidélité à Radio Gémozo, et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.